bienvenue dans ce nouvel épisode de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. J'ai le plaisir d'inviter Pauline Léniaud, cofondatrice de Gemio, une marque devenue incontournable dans l'univers de la joaillerie. Avec Pauline, nous allons discuter de renaissance professionnelle et de l'importance de chercher sa propre voie, son chemin de traverse à soi. Pauline, tu as décidé de nous parler du jour où tu as arrêté de faire plaisir aux autres à tout prix. Exactement, merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la genèse de ton erreur ? Alors, moi j'ai une erreur, souvent les échecs, je pense que ça se polarise sur un moment, mais en réalité c'est souvent l'aboutissement d'années d'erreurs, et c'est une succession de plein d'erreurs qui finit dans un moment un peu douloureux. Et en fait, moi mon erreur c'est quoi ? C'est que je pense que, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de jeunes femmes notamment, j'étais une petite fille sage, j'ai essayé de bien faire, j'étais la deuxième de ma famille, j'étais quelqu'un de plutôt mesuré et j'ai essayé de faire plaisir à mes parents toute mon enfance en étant une bonne élève, je faisais plaisir à mes professeurs en étant une bonne élève, en travaillant. Et du coup, je ne me suis pas tellement posé de questions parce que finalement, quand tu fais plaisir et que les gens sont contents, ça roule, ça satisfait et ça m'allait bien. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai suivi les conseils de mes profs qui me disaient que j'étais bonne en français et qu'il fallait que j'aille dans cette voie-là. Je ne me posais pas trop de questions. Donc, j'ai commencé par faire un bac L. J'ai mon bac. Je rentre en prépa littéraire et je vois que mes parents sont assez fiers en fait que je fasse ça parce que ce n'est pas des études faciles, qu'eux, ils n'ont ni l'un ni l'autre fait des études prestigieuses. C'est des gens que j'admire beaucoup, mais voilà, ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Et du coup, ils étaient juste très fiers de se dire que leur fille, elle allait potentiellement rentrer dans une école. Et notamment, donc, l'aboutissement des études littéraires, c'est normal. Sup, qui est une école hyper prestigieuse, et c'est difficile d'y rentrer. Et donc, je me mets un peu en tête que je vais essayer d'y aller. Et très honnêtement, a posteriori, quand j'y pense, j'ai travaillé comme une tarée et je pense que j'avais vraiment sincèrement envie d'y aller. Et d'ailleurs, j'ai bossé comme une malade pour y arriver. Mais en fait, je ne le faisais pas tellement pour les bonnes raisons. Je ne le faisais pas parce que j'étais passionnée par la recherche ou par l'enseignement. Je le faisais plus parce que ça faisait sens et que ça faisait plaisir à mes parents, ça faisait plaisir à mes profs. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu bossais à fond pour ce concours ? Est-ce que tu te disais « il faut que j'y rentre » ou alors « j'ai envie de découvrir telle matière, etc., dans cette école ?» Ce qui est certain, c'est que j'ai toujours aimé la littérature. J'étais assez timide quand j'étais petite. J'étais un petit rat de bibliothèque. J'étais au club de lecture de mon école. Enfin, ça faisait quand même sens pour moi. C'était quelque chose que j'aimais. Tu prenais plaisir à ça ? Ouais, complètement. Mais après, je ne m'étais jamais projetée dans la vie professionnelle. Et en tout cas, tout ce qui était derrière, notamment... Normalsup, ça mène soit à l'enseignement, soit à la recherche, soit parfois on dit que c'est un tremplin vers d'autres études, Sciences Po, l'ENA, etc., le service public. Ça, c'était pas forcément des choses qui me plaisaient particulièrement. Enfin, en tout cas, j'y connaissais rien et j'y comprenais rien. Et du coup, je pense que je l'ai fait un peu pour les bonnes raisons, qui sont que j'aimais sincèrement la littérature, le français, mais aussi pour les mauvaises raisons, qui étaient que juste c'était prestigieux et que du coup, ça faisait plaisir à ma famille et à mes profs de se dire que potentiellement, j'allais rentrer, tu vois, dans une école comme ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Tout ça, c'était complètement inconscient, évidemment. Est-ce que tu avais des discussions de temps en temps avec tes profs, avec tes parents, sur ce que tu voulais réellement faire ? Ou alors, est-ce que tu étais prise dans une sorte de roue qui ne s'arrêtait pas ? Mais c'est ça qui est terrible. Et je pense que c'est un peu le mal de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, quand ils ont la chance d'être bons à l'école, en fait, c'est tellement difficile parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais quand tu rentres un peu dans les cases qui font que ça fonctionne, en fait, aujourd'hui, tu rentres dans un tunnel d'une réussite qui est une réussite, toute relative. Mais qui est la réussite de tu passes des concours. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui justement ils ont un coup près un peu difficile quand ils se rendent compte qu'en fait ça fait 4 ans qu'ils bossent, ils ont passé des concours, ils sont rentrés dans une école, et en fait c'était juste C'était pas fait pour eux, ils se sont jamais posé la question de l'après. Et moi c'était complètement ça, c'était je suis le petit rat sur ma roue, tu vois, qui tourne, qui fait plaisir parce que il y a des résultats. Et en fait, finalement, il y a un peu aussi, je pense, presque une jouissance personnelle de se dire que tu es dans l'effort, que tu fais des choses difficiles et que tu te bats. C'est une sorte d'adrénaline comparable avec celle sportive. Mais il y a aussi, je pense, une adrénaline du fait que tu es en train de repousser les problèmes sous le tapis. Et le vrai problème difficile qu'il faut se poser, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et finalement, c'était un peu une solution de facilité, je pense, même si j'ai beaucoup travaillé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé comme une tarée. Sincèrement, j'en ai presque perdu la santé. J'ai vraiment énormément bossé et j'ai finalement réussi à rentrer à l'école, donc à Normalsup, ce qui était quand même dingue parce que... Oui, clairement. Enfin, c'est hyper dur comme concours. Très honnêtement, les personnes qui rentrent à Normal, en général, ils sont fils de prof ou leurs parents sont normaliens. Enfin, tu vois, c'est oui, ils travaillent même... le concours depuis l'âge de 4 ans. C'est ça, quoi. Okay. Et moi, j'ai réussi à rentrer parce que j'ai beaucoup bossé, j'ai eu de la chance, enfin, tous les trucs habituels. Mais je suis rentrée. Et ce qui est assez terrible, c'est que quand je suis rentrée, je n'étais pas particulièrement heureuse parce que je pense que j'ai commencé à me rendre compte que, bah, tu vois, j'avais tout polarisé sur ce but-là. Mmh. Mais qu'en fait, bah, c'était ça pas une fin en soi. Pas si heureuse que ça, pas heureuse, peut-être. Ouais. Et donc, ça a été une période assez dure pour moi parce que j'étais censée avoir réussi, être un peu, tu vois, au moment où j'aurais dû être le plus heureuse dans ma vie. Et en fait, c'était juste pas le cas. Et donc, assez naturellement, j'ai commencé à me dire, OK, mais qu'est-ce que je vais faire après ? Voilà, ça y est, première... Voilà. Maillon de la chaîne. C'est ça. Et donc, j'ai commencé à y réfléchir. Mais j'étais pas très mature quand même. Et du coup, plutôt que de réellement me poser la question, bah, en fait, j'ai posé un peu la question à mes profs et à mes parents. Et mes parents m'ont dit, bah, écoute, c'est super, mais on comprend que tu ne veuilles pas forcément être prof. Tu vois, c'est un métier qui est super difficile ou chercheur. Bah, y a un autre truc qui pourrait t'intéresser, c'est peut-être passer l'ENA, le service public, parce que tu as commencé déjà à travailler dans le... Voilà, dans ce domaine-là. C'est, puis c'est en plus, aussi, côté prestige, c'est vraiment la dernière marche. Exactement, enfin, complètement. Et une fois de plus, je te disais, enfin, c'est pas du tout pour leur jeter la pierre, parce que j'admire et j'aime énormément mes parents, mais eux-mêmes, n'ayant pas fait d'études, c'est des gens pourtant brillants. Je pense qu'ils ont, je dirais pas un complexe, mais il y avait... Je pense que tu as toujours une envie du meilleur aussi, en plus. Exactement, il y a une fierté, tu as envie du meilleur pour tes enfants. Il y a aussi un enjeu de sécurité de l'emploi, malgré tout, où tu te dis, bon ben voilà, mon enfant, il ne va pas vivre ce que j'ai vécu. Moi, j'ai galéré pendant des années. Mon père, il est entrepreneur. Ma mère, elle est créatrice. Enfin, tous les deux, si tu veux, ils se sont un peu construits tout seuls. Et je pense qu'ils avaient envie de quelque chose de différent pour moi. Et donc, ça m'a beaucoup influencée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça les rassurait, que ça leur faisait plaisir. Et donc, plutôt que de penser réellement à ce que je voulais faire moi, je me suis plutôt inscrite dans une perspective de, bah, en fait, j'y vais, je fonce. Je ne réfléchis pas tellement, en fait, à l'avenir. Et j'essaye juste de passer une étape d'après, qui est le concours de l'ENA. Et ça, une fois de plus, je pense qu'il y a plein de jeunes, et je dis toujours de faire attention à ça quand j'ai des personnes qui me parlent autour de moi, parce qu'on est parfois dans cette roue, quoi, qui tourne, et en fait, on ne se pose pas la question. Parfois, il faut se poser, il faut s'arrêter, il faut se dire, ouais, non, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et puis, c'est pas un jeu. Quand on est dedans, on se dit, on a envie de se prouver des choses, ouais, à soi, est-ce exactement que j'en suis capable, et puis je vais me dépasser. Mais c'est pas que ça, c'est pour le restant de sa vie. Exactement. C'est vrai que ce que je trouve un peu difficile avec les concours en France, c'est que on les fait pour rentrer dans une école plus que pour un métier parfois, et du coup en fait il y a presque plus un challenge comme un sport, comme une compétition, ouais. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a un côté excitant si t'es un peu compétitif, c'est sympa et tout, mais le problème c'est que si jamais tu fais pas la bonne compétition, que tu, en fait, tu fais du ski depuis des années, mais en fait toi ce que t'aimes dans la vie, je sais pas, c'est de faire de la natation, bah, en fait c'est un peu dommage, quoi. Ouais, complètement. Ce qui est dommage, c'est que Normal c'est une école où j'ai appris plein de choses, et pour le coup je trouve que la qualité des cours et les profs étaient brillants, les élèves étaient brillants, enfin j'en garde au final une bonne expérience, et je pense que c'est une très belle école pour les personnes qui veulent devenir enseignant, mais pour moi c'était pas ça, parce que ouais, c'est pas ce que je voulais, j'étais juste pas à la bonne place. Voilà, par rapport à ça, donc je fonce donc tête baissée. Donc tu tentes l'ENA. Exactement, je tente l'ENA, je fonce tête baissée sans ça réfléchir. Ça te fait pas peur, parce que l'ENA c'est quelque chose. Tu sais, en bon, fait... t'as fait Normal Sup, alors. Ouais, non, mais c'est pas tellement pas ça, c'est que je pense que... Bon, c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup au défi, je pense que j'aime bien les challenges, et ça me motive, et j'aime bien me dépasser, ça fait partie de ma personnalité. Mais il y a aussi autre chose, c'est que juste, ça me permettait de pas réfléchir, parce qu'en fait, finalement, je gagnais 2 ans de plus où j'allais me dire, je vais bosser, je vais passer un concours, et puis même si je rentre à l'ENA, ce qui est génial, c'est qu'après, ta vie, elle est toute tracée, t'as pas besoin de choisir, c'est l'absence de choix. Enfin, je vais pas le dire méchamment, mais c'est un peu ça, et c'est ce que je cherchais d'ailleurs. Et donc c'est ce que je fais. Je travaille comme une folle. Je connais rien à l'économie, je connais rien au droit. Enfin, honnêtement, j'ai tout pas appris. Pas de soucis, j'y vais. Au début, difficile, franchement, ça a été pas facile. Mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Je me suis fait aider par plein de gens. Enfin, ça a été une période assez intense intellectuellement et du coup que j'ai bien aimé. Mais ça a duré combien de temps, ça ? Ça a duré 2 ans. J'ai refait 2 ans de prépa. J'ai fait des stages aussi, enfin voilà, j'ai appris plein de choses, hein, c'est sûr. Et je sentais, c'est bizarre au fond de moi, mais je ne m'en rendais pas trop compte, que c'était intellectuellement très stimulant, mais que je ne vibrais pas, que ça ne me touchait pas tant que ça. Techniquement, tu vois, je travaillais beaucoup, mais au fond, sur la raison pour laquelle je voulais le faire, je pense que je n'étais pas très au clair. Et d'ailleurs, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, je passe les écrits, je suis admissible. Waouh, donc qui... déjà vraiment top en soi. Ouais, enfin hyper contente, bien tu sûr. Vois, je me dis je suis super contente, enfin franchement j'y croyais à peine, vraiment un grand moment de fierté, et juste après, bah, c'est un peu ce qu'on se disait, bam, t'as les oraux derrière et tu te dis ok, est-ce que je vais y arriver ? Et là, le switch dans l'épisode, tadam. Et donc, en fait, les écrits à l'ENA, il y a plein d'épreuves techniques, mais il y a aussi des épreuves, enfin, il y a une épreuve qui est un peu l'épreuve reine qui s'appelle le grand oral. Ah, oui. Et le grand oral, c'est une épreuve, c'est, en fait, c'est un entretien de personnalité où les gens jugent ta personnalité et se disent est-ce que cette personne est faite ou non pour aller travailler pour le service public, parce que tu deviens, en fait, un fonctionnaire qui va, a priori, consacrer sa vie au service public. Donc, c'est, oui, quand c'est même, tant mieux d'ailleurs, c'est une épreuve nécessaire. Hein, exactement, ouais. C'est super, en fait, qu'il fasse ça. Et donc, bah, je travaille ça. Je suis obligée de me poser des questions parce qu'en gros, les questions qu'on va me poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire ? Pourquoi tu fais l'ENA ? Qu'est-ce que tu veux faire après ? Des questions que je ne me suis jamais posées, si tu veux. Donc, c'est un peu le drame. Et je me rappelle, mon mari, à l'époque, c'était mon copain, on n'était pas encore mariés, me faisait faire des faux entretiens un peu à l'oral et me disait, mais sincèrement, tu te rends compte que ton discours... tient pas du tout debout, quoi. T'es sûr. Puis je changeais toutes les semaines d'idées parce que je savais pas, enfin c'était n'importe quoi. À part concrètement faire plaisir à mes parents et suivre le chemin qui était tracé devant moi, tu vois, il n'y avait pas tellement de réflexion. Et arrive le jour J où je dois passer cet entretien, donc j'ai 6 personnes devant moi, c'est hyper impressionnant. En plus, tu as un public derrière toi, il faut quand même le savoir. Tu as 30 personnes qui sont là pour t'écouter parler. Mais 30 c'est personnes, dans ces cas-là, ça se transforme en 500 dans sa tête. C'est horrible. Enfin, sincèrement, c'est un moment très, très dur. Où, bon, bah, ça se passe. Et bizarrement, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que les personnes me posent des questions, les livres que j'ai préférés, quel sport je pratique, on voit que je fais du ski, est-ce que je peux en parler un petit peu. Enfin, des sujets qui sont ni des sujets techniques, ni des sujets réellement sur ce que je veux faire. Avec de la bienveillance aussi. Beaucoup de bienveillance. Et donc, je suis un petit peu étonnée, mais je me dis, tiens, c'est plutôt cool. Les 45 minutes passent, c'est quand même long, 45 minutes. Ouais. Et là, je me dis, bon, bah, c'est plutôt sympa. J'en parle ensuite avec les personnes, tu vois, qui sont à la sortie, qui me disent, bah, franchement, on a l'impression que ça s'est bien passé, bravo, t'as bien joué et tout. J'attends les résultats. Et ça dure combien de temps ? C'est assez rapide, je crois que ça doit être c'est quelques semaines, enfin, c'est assez rapide. Et là, le couperet tombe. Et le couperet, c'est que je me suis fait recaler sauvagement. Dis-nous ta note. Tu as 2. 2 sur 20, sachant que c'est un coefficient de 10, alors que les autres coefficients sont plutôt de 1 ou 2. Donc, autant te dire que c'est comme la philo au bac L, quoi. C'est la guillotine, quoi. Ouais. Enfin, là, y a pas de... voilà. Et du coup... Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand je reçois ces résultats, enfin, j'ai un moment au début de rage où je me dis, mais sincèrement, c'est tous des cons, ils n'ont rien compris, j'ai bossé comme une folle, je le mérite ce concours, c'est pas juste. Enfin, tu vois, tu as tous ces sentiments. Ouais, la boule de nerf. Et peu à peu, en fait, je sombre un peu dans une espèce de déprime où je me rends compte que, mais vraiment, je suis bonne à rien. En fait, finalement, je déporte la faute des autres sur moi en disant, mais en fait, je suis nulle, je suis capable de rien, j'y arriverai jamais. Et puis en plus, quand tu as une telle mauvaise note, tu dis, mais c'est même pas la peine que je le repasse, enfin, c'est pas fait pour moi. Et en fait, je rentre dans un système de en gros, dépression, sincèrement, pendant plusieurs semaines où je me sens vraiment pas bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je me sens en situation d'échec et parce que je me dis, c'est l'aboutissement de... Ça faisait 6 ans quasiment que je faisais des études entre les prépas littéraires, normal sup et ensuite la prépa ENA. Ça fait 6 ans que je passe ma vie à travailler pour ça, pour ce moment-là. Et en gros, la note, c'était 2. Et sincèrement, c'est hyper dur. J'ai l'impression et puis on fantasme, j'imagine, on fantasme déjà beaucoup, on s'imagine, on se... Bah, en plus, si tu veux, moi je te dis, c'était vraiment, et c'est souvent ça les échecs, c'est, même si je pense que c'était une accumulation de plein d'erreurs, au final c'était ce moment-là qu'en était l'aboutissement, et pour moi tout y était lié. Enfin, j'avais tout d'un coup la honte en fait de ma famille, j'avais mes parents qui avaient mis tellement d'espoir sur moi et en fait je les décevais, mes profs c'était pareil, mes copains à qui j'avais tous dit, enfin, si tu veux, t'as à la fois un sentiment de honte personnelle, tu te sens en situation juste d'échec et tu te sens nul et tu te dis que t'es incapable, tu te dis mais en fait j'ai perdu 6 ans de ma vie, enfin, en fait à tous les niveaux j'étais au fond du trou concrètement et surtout j'avais pas de perspective, je savais pas ce que j'allais faire après et je me dis mais c'est pas possible, est-ce que je leur passe, est-ce que je leur passe pas, enfin, ça a été un moment de doute très très intense et de grandes difficultés pour moi et je sais que ça paraît un peu bête de le dire parce que ça reste un concours et qu'on a tous vécu des échecs et ça n'est qu'une école et c'est rien, mais quand t'as travaillé 10 ans que t'as un peu l'impression psychologiquement que t'as pas une pression familiale mais que ça ferait tellement plaisir à ton entourage depuis 10 ans que tu rentres, qu'ils t'en parlent, t'es presque désolé pour eux plus que pour toi, t'es désolé pour eux en fait. Parce que tu sens que cette fierté en fait tu l'as perdue. Et moi qui voulais tellement faire plaisir, je pense que ça a été un peu un invariant commun dans ma vie, tu vois, à mes parents, parce que je les admire beaucoup, je sentais juste cette grande déception et cette tristesse aussi. Ils étaient juste tristes pour moi et ça me faisait de la peine aussi. Enfin, j'étais dans un engrenage qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Et un jour, je me rappelle, j'étais chez moi, toute seule, sur mon canapé. Je regardais comme ça un peu dans le vide Et je me dis, mais en fait, sincèrement, ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas quelqu'un de dépressif. Je ne suis pas quelqu'un comme ça qui m'abat. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse complètement aller. Et concrètement, ça faisait 3 semaines que j'étais en pyjama chez moi. Ouais, sur mon, Netflix et chat, quoi. Exactement. À l'époque, il n'y avait pas Netflix, mais c'était un peu ça. Tout pareil. Et du coup, je me dis, mais ça ne me ressemble pas. Il faut que je me ressaisisse. Il faut que je trouve autre chose. Il faut que je trouve un sens à ma vie. Et en fait, j'ai réfléchi à ce concours. Et j'ai réfléchi à ce moment où j'ai reçu la note et à tout ce qui s'était passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce jury, ils avaient tout compris. Et c'est eux qui avaient raison. Et c'est eux qui avaient compris que ce n'était pas fait pour moi. Et ils m'avaient rendu un fier service. Un gros service. Ouais. Exactement. Qui était que, en fait, oui, j'avais bossé. Oui, j'étais pas plus bête qu'une autre. Mais en revanche, c'était juste, pas fait pour c'était toi. Pas mon truc. Et ils m'ont sauvée. Et du coup, j'ai eu presque un moment, si tu veux, d'euphorie à l'inverse. Où je me suis dit, mais heureusement que j'ai pas été prise. Et ça a été génial parce que ça a été un moment où je me suis rendu compte que cet échec, il a été tellement douloureux que ça m'a forcé, si tu veux, à me poser ces questions. Je pense que si j'avais été prise, je me serais jamais posé des questions. Ouais. Et c'est le problème de la roue qui tourne dont on parlait, le petit rat qui tourne, qui tourne, qui tourne. Il y a 40 ans, on se réveille. Il y a forcément toujours un moment où on se réveille. Et je préfère qu'on me réveille plus tôt, plus tard. Bien sûr. Et l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte aussi que, voilà, en fait, je faisais les choses pour les mauvaises raisons, que je m'écoutais pas, que je faisais les choses pour faire plaisir aux autres. Et en fait, en plus, mes parents, en réalité, ils m'ont jamais dit « tu dois faire l'ENA, sinon on t'aime pas ». C'est ça qui est terrible dans les petites voix qui te disent toujours « fais plaisir aux autres ». C'est que les gens ont juste envie de te voir heureuse, finalement. Exactement, c'est ce qu'ils voulaient. Et je pense qu'ils pensaient que ça me rendait heureuse, je pense qu'ils pensaient que ça me plaisait. Enfin, ils n'en savaient rien. Et toi, tu avais dû te persuader à la longue, bien exactement. Sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de projections comme ça qu'on vit un peu, surtout quand on voilà, et qu'on aime et qu'on admire les personnes avec lesquelles on est entouré. Et donc, ça m'a permis juste de me dire « non mais en fait, stop ». À un moment où il faut que j'arrête de vivre le rêve des autres, ou en tout cas le rêve projeté des autres, et il faut que j'essaye de réfléchir à ce que j'aime moi. Et je pense que ça, on peut seulement le faire, ce genre de déclic, on peut les avoir seulement quand on a des moments tellement durs, qu'on touche un peu le fond, qu'on est obligé de rebondir. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça, je disais, je fonctionne au défi, mais aussi je sais très bien que j'ai une capacité de rebond fort, c'est-à-dire quand j'ai une très très grande difficulté, c'est là en général que j'arrive à faire des petits miracles. Ça me booste en fait. J'aime bien, j'ai un espèce d'instinct de survie qui fait que du coup je me trouve des solutions, tu vois. Et c'est vrai que quand t'es un peu dans un entre-deux où ça va, mais ça va pas, tu laisses aller. Et là, ça allait tellement pas que j'ai été obligée de trouver une solution, et la solution c'était de me poser des questions. Ça fait mal de poser des questions, surtout ça fait mal quand à l'ego aussi. Hein. Ça fait mal à l'ego, tu dois communiquer. Je commence à dire aux autres, non, en fait, je l'ai raté. Et puis vous savez quoi, je ne vais pas le repasser. Et en fait, ce n'était pas fait pour moi. Et ça fait 6 ans que je me plante et que ce n'est pas fait pour moi. Et c'est très bien, ouais, et ce n'est pas grave. Je ne sais pas si on est un, mais en tout cas, il faut savoir s'écouter. Et j'ai essayé de faire ça. Et du coup, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis rendu compte assez naturellement que ce que j'aimais, c'était plus la création, c'était l'aventure, c'était le risque. Je suis quelqu'un qui suis assez passionnée aussi. Et je me suis rendu compte que j'avais mis tout ça sous le tapis, que j'avais vraiment complètement un peu caché mes propres sentiments à moi-même. Et qu'en fait je m'écoutais pas, et donc je me suis dit, mais en fait les métiers qui correspondent à ça, à l'aventure, au risque, à un peu la nouveauté, absolument c'est quoi pas l'ENA. C'est pas du tout l'ENA, tu vois, c'est absolument le contraire. Je me suis dit, mais comment j'ai pu me fourvoyer autant pendant mes quasiment 10 ans? Et en fait je me suis rendu compte que l'entreprise, l'entrepreneuriat, probablement c'était ce qui me plaisait, enfin la création d'une manière ou d'une autre. Et j'avais pas d'idée à l'époque, mais je me suis dit, tiens, il faut que je creuse ça, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui me réussit, c'est d'avoir des projets, de créer, de produire. Je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait aussi. J'ai toujours bien aimé faire des choses, en fait, à partir de rien, créer des petites choses. Et je me suis rendu compte que voilà, je l'avais juste mis de côté complètement pendant 6 ans. Est-ce que tu as rencontré des gens dans ton cheminement qui t'ont aidé à te poser ces bonnes questions? Parce que je trouve ça incroyable d'avoir une telle, je ne sais pas si on le dit, une telle intériorité, enfin... Tu t'es posé des questions hyper pertinentes alors que tu étais pourtant dans l'œil du cyclone. Est-ce que tu as eu une aide extérieure? Quelle a été la chose qui t'a aidé, toi? Il y a eu, oui, effectivement, plusieurs étapes. C'est pas Google, hein, aussi bien. Non, alors, déjà, moi, je te dis, je suis convaincue d'une chose, c'est quand on touche le fond, c'est le moment où, en fait, il y a un moment où l'homme est fait d'un instinct de survie qui fait que tu es obligé de trouver des solutions et de rebondir quand même. Enfin, peu de gens quand même se laissent aller à des... Moi, je pense que j'ai la chance de ne pas être une personnalité dépressive. Il y a des personnes, aussi, malheureusement, c'est chimique, qui ont ce souci. Moi, ce n'est pas le cas. Et du coup, je pense que j'ai eu quand même ce déclic de me dire, OK, ça ne me ressemble pas, mais qu'est-ce qui me ressemble du coup? Donc ça a été la première chose. La deuxième, c'est que j'ai un copain qui est mon mari et associé maintenant chez Gémio, que j'adore, qui est mon âme sœur et qui est quelqu'un qui m'aide et qu'on se coach mutuellement. Et qui te connaît, qui me connaît par cœur et qui m'a dit, mais tu sais, franchement, en fait, depuis le départ, ça ne te ressemblait pas, ce truc-là. t'inquiète pas, c'est pas grave, je sais que t'as l'impression d'avoir perdu 6 ans, mais en fait, juste dis-toi que c'est une bonne nouvelle. Au contraire, t'en as gagné pas mal des années. Exactement, t'en as gagné 30 derrière. Ouais. Et du coup, je pense que lui m'a énormément aidée. L'autre chose qui m'a aidée, c'est qu'une fois que j'ai... mais c'était déjà un petit peu plus tard, j'ai fait un espèce de... pas bilan de compétences, parce que c'était pas professionnel, mais dans mon école, je suis retournée à l'école et je me suis dit, tiens, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et quand j'ai passé, tu sais, des tests un peu... T'as été bien conseillée pour une fois. En fait, si tu veux, ils m'ont juste dit, mais sincèrement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, qu'en fait, vous aimez créer et produire, donc... allez-y, foncez et faites une majeure entrepreneuriale ou un truc comme ça, parce qu'en fait, vous n'êtes pas là pour être gestionnaire et c'est vrai que ça ne me plaît pas. Et donc, ça a été une période vraiment super pour moi où je me suis vraiment dit que je voulais entreprendre et j'ai essayé de m'intéresser aux autres, d'arrêter d'un peu réfléchir à moi-même et de juste commencer à m'intéresser au monde. Et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de m'ouvrir sur l'extérieur et ça m'a rassurée sur le fait que c'était normal aussi d'être un peu paumée, que à 25 ans, 26 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire de sa vie. C'est vrai ça, et c'est très français de dire à un élève à 16 ans, bon alors mon petit, qu'est-ce que tu vas faire ? En Angleterre par exemple, tout le monde prend une année sabbatique, c'est logique, c'est pas quelque chose réservé aux fainéants, loin de là. Aux États-Unis, les études se construisent en deux cycles, on travaille entre les deux pour façonner aussi... sa personnalité au travail, enfin je trouve ça aberrant. C'est dur parce que c'est vrai que quand tu sors du lycée, en général tu n'as aucune expérience professionnelle, tu rentres directement, c'est pas difficile de savoir ce que tu veux dans la vie et je trouve que faire des choix aussi impliquants qu'un bac S, ES, L et ensuite l'école que tu vas faire, c'est hyper dur. Et c'est vrai que moi je suis, du coup je pense que le monde de l'entreprise est clé. Et en fait ce qui est rigolo c'est qu'en fait j'en avais des expériences professionnelles parce que j'avais aidé, par exemple mes parents ils ont un petit resto où j'avais aidé, j'avais fait du service, enfin j'avais fait des cours de théâtre où j'avais été dans une troupe, il y avait plein de choses que j'avais fait où je savais que justement l'action me plaisait, que en fait finalement être derrière un bureau c'était pas tellement ce qui me plaisait tant que ça. Et quand j'ai mis un peu tous les fils les uns derrière les autres, je me suis rendu compte que toutes les études que j'avais faites étaient l'inverse de ce que j'aimais, tout ce que j'avais pu apprendre dans ma vie personnelle quoi. Et je pense que c'est vrai qu'il faut pas hésiter à pas uniquement réfléchir à ce qui est bien, à ce qu'il faudrait faire, mais vraiment à ce qui plaît, parce que le problème, c'est que quand on s'en rend compte à 35, 40 ans, c'est plus dur de changer de voie, tout simplement. Et puis, il reste beaucoup, beaucoup d'années avant la retraite. Et c'est terrible de commencer sa vie professionnelle en se disant, punaise. La suite, on la connaît. tu as fondé Gémio avec ton mari. C'est une belle aventure à deux et une aventure qui devient... incroyable, exponentielle. Ce qui est drôle, c'est que du coup, ce projet de création d'entreprise, je l'ai eu dès la sortie de l'ENA, mais je te dis, je ne savais rien. Enfin, je ne savais pas ce que c'était. Tu ne faisais peut-être pas bilan. Encore confiance aussi ? Je ne me faisais pas confiance, mais surtout, je pense que c'est normal. Et c'est d'ailleurs souvent le cas quand on sort même du lycée ou d'une école, c'est que je ne connaissais rien, strictement rien au monde de l'entreprise. Et donc, l'école de commerce m'a un peu aidée, les stages m'ont beaucoup aidée et m'ont vraiment affermi dans l'idée que je voulais travailler dans une petite structure. J'ai fait des stages dans des grandes boîtes et dans des petites boîtes. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet vraiment de se rendre compte si on aime ou pas le côté petite boîte où t'es en général plus touche-à-tout, t'es plus polyvalent. Et puis, t'es plus aussi opérationnel maintenant le cambouis. Donc ça, c'était sûr que c'était ce que je voulais. Et par contre, j'avais pas d'idée. Et en fait, comme souvent, l'idée, elle te tombe dessus un peu par hasard. Moi, en plus, j'étais intéressée par la gastronomie. J'aimais beaucoup le vin, donc tu vois, des sujets qui te plaisent. On parlait de ma passion blogueuse picole avant de commencer l'enregistrement. Exactement, tu vois, ça aurait pu me plaire, je pense, ce genre de métier. On fondera peut-être un podcast ensemble, écoute, qui sait. De picole, féminin. Et donc, j'ai fait ça et je cherchais des idées là-dedans. Mais au final, et tous mes stages, d'ailleurs, je les ai faits dans ce secteur-là. Mais au final, je n'ai pas trouvé la bonne idée ou en tout cas, il n'y a rien qui est venu. Et c'est quand mon copain de l'époque, donc le fameux qui m'avait beaucoup aidé d'ailleurs dans la période de doute, m'a dit, il m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui, tiens, allons un peu rêver et allons Place Vendôme pour aller voir les plus belles bagues au monde. Je ne te promets pas que je vais t'en acheter une là-bas, mais comme ça, au moins, on ne vit ça qu'une fois, on le fait. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a trouvé que l'expérience, elle n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on espérait. Parce que c'était intimidant, parce que c'était hyper cher, parce que c'était vieillot, sincèrement. Et même si c'était magnifique, c'est indéniable. franchement, on se ça dit... Ça correspond plus... C'est en dehors du monde, quoi. Enfin, c'est en dehors de notre réalité de trentenaire français, couple moderne, qui choisissons le bijou ensemble. Et on s'est dit, mais c'est marrant, comment font les gens, du coup, pour acheter la bague de fiançailles s'ils n'ont pas un bijou de famille ou un truc ? Et on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de marques, en fait, qui proposaient une expérience qualitative, mais à la fois fraîche, chic quoi, et plus sympa, plus moderne, plus rigolote. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer Gemio. Et donc, on n'avait même pas prévu de s'associer à l'époque ensemble, mais c'est ce qu'on a fait. Et comme quoi, je pense que la réussite, souvent, on dit oui, les gens, on n'a pas l'impression que les gens, ils ont planifié les choses de A à Z, mais très souvent, en fait, je pense que c'est un peu une succession de hasards et de chemins que tu prends à un moment donné et qui font que ça marche ou pas. Et nous, c'est vrai que c'est complètement par hasard que ça a été fait, mais au final, je pense qu'il y avait un besoin et qu'en fait, on était tout simplement nos premiers clients. On va passer à la dernière étape de ce podcast. Je vais faire des petits intercalaires audio. Quelles sont les leçons que tu pourrais... Tu l'as déjà dit, évidemment, mais si on cherchait à synthétiser les choses, quelles sont les leçons que tu as envie de donner à ceux qui t'écoutent ? Alors, à un niveau très concret, moi, j'ai déjà envie de vous dire, mais relativisez. Votre carrière professionnelle, elle va durer très longtemps, probablement encore un grand nombre d'années. Vous allez changer beaucoup aussi. Vous allez changer, vous n'allez pas avoir les mêmes envies quand vous aurez 45 ans que maintenant. Ce n'est pas si grave, en fait, si vous n'avez pas fait les études que vous pensiez. Évidemment, il faut en faire un minimum. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire HEC, vous n'êtes pas obligé de faire Normale Sup, vous n'êtes pas obligé de faire de grandes écoles. Faites d'abord ce que vous aimez. Et écoutez-vous, il y a des personnes franchement qui réussissent mais tellement bien juste parce qu'ils ont commencé plus tôt leur carrière professionnelle et qui savaient qu'ils voulaient travailler dans une petite structure ou qui savaient qu'ils voulaient être artisans ou qui savaient qu'ils voulaient être créatifs. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de faire de très très longues études parce qu'en fait vous pourrez en refaire derrière des études, vous pourrez refaire des formations professionnelles plus tard. Et je pense qu'en France on a vraiment cette espèce d'idée qui est que si je ne fais pas telles études, en fait ma vie est foutue. Et du coup, ça crée une pression qui est démentielle sur des jeunes qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire et qui, du coup, se lancent dans des études qui, parfois, ne sont pas faites pour eux. Et puis, on n'a pas encore la maturité qu'on a à 30 ou 40 Exactement. Ans. On vient donc juste de sortir de l'essence. C'est un message aussi aux parents qui, parfois, ont peur pour leurs enfants, et c'est normal, mais ne leur mettez quand même pas trop la pression parce que je pense qu'il vaut avant tout mieux savoir ce qu'on veut et être très bon dans un domaine, même si ce n'est pas forcément la voie toute tracée que vous auriez espéré pour votre enfant. Mais il vaut mieux quand même savoir s'écouter et être très bon dans un domaine que la personne va aimer et sur laquelle elle va être spécialiste plutôt que d'être un peu nul et juste mal dans ses baskets toute sa vie parce que vous aurez fait un truc un peu médiocre qui était censé être la voie royale. Donc ça, c'est je pense, la première chose. Et puis la deuxième chose, mais ça le rejoint un petit peu, c'est hyper dur, c'est de savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est horrible. Je ne sais pas ce que je veux, encore, pas toujours. Mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser quasiment tous les matins. Il faut se dire qu'est-ce que je veux dans la vie. Et j'ai remarqué que les gens qui réussissent, c'est souvent des personnes qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent. D'accord, c'est intéressant. Qui ont un objectif. Ça peut être, gagner suffisamment d'argent jusqu'à l'âge de 35 ans pour prendre ta retraite. Ça peut être d'avoir une famille avec 4 enfants et de pouvoir subvenir à ses besoins. Ça peut être d'habiter à la campagne et de pas avoir d'embêtement, tu vois, d'avoir personne qui t'embête. C'est un exercice qui est douloureux, donc peu de gens le font, mais qui est assez clé. Et plus tôt vous le ferez, mieux ça sera. Et il ne faut pas aussi trop se mettre la pression parce que ça peut changer. Hein. Ouais. Enfin, à l'âge de 18 ans, pas forcément les mêmes choses que quand on a 45 ans. Mais je pense que c'est toujours ultra sain de savoir ce qu'on veut parce qu'au moins on fait les choses pour une raison, pour soi, et parce que ça fait sens et pas pour faire plaisir aux autres, pas parce que vous avez une pression sociale ou ce genre de choses. Il faut avant tout, je pense, avancer parce que ça, c'est ce qui compte pour vous. Enfin, on vit qu'une fois, c'est un peu bête à dire, mais pour moi, c'est hyper important. Et si la pression sociale, c'est ce qui vous fait vibrer et que pour vous, c'est hyper important d'avoir de la reconnaissance, why not ? Tant mieux, bien sûr. Je porte pas de jugement. Mais en tout cas, il faut le savoir, il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Bah écoute, je rentrais chez moi ce soir et je vais me poser la question. Tous les jours. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Retrouvez-moi dans la leçon pour un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Maintenant, je suis sur tous les réseaux sociaux. C'est une grande nouvelle. Je vous dis à bientôt. Voilà, tout simplement.